Tous et à toutes, j'ai la voix légèrement voilée, ce qui me donne un ton beaucoup plus rock'n'roll. Ça en va donc très très bien avec l'émission qui va suivre. L'émission, c'est Double Fantasy, l'album de la semaine avec John Lennon en 1980. D'ailleurs, cet album, je l'appelle entre nous Single Fantasy, puisque je ne passe jamais les chansons de Yoko, puisque j'estime qu'elle n'a pas de talent de chanteuse. Donc, les Fab Four, c'est John, Paul, Ringo, George, ça exclut les femmes. Oui. Et c'est comme ça. C'est ainsi, c'est comme ça depuis 35 ans et ça va continuer comme ça. On écoutera Just Like Starting Over, Beautiful Boy, Watching the Wheels, Clean Up Time, Woman, que je dédicacerai forcément à Alexandra. Il y aura également John Lennon, I'm Losing You, que je ne dédicacerai pas à Alexandra. Et pour McCartney, il y aura Coming Up. En 1980, pour George Harrison, ce sera Baltimore Orioles, la reprise sur l'album Somewhere in England de 1981. Et pour les Beatles, nous reviendrons longtemps en arrière, en 1963, sur l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. Ça, c'est le nom complet de l'album. Moi, je l'appelle Please Please Me, je trouve que c'est suffisant. Et ce sera Anna Go With Him. Je ne vous ai pas parlé de Ringo Starr. Vous me dites, oui, ben, je le fais maintenant. C'est vrai que je l'avais oublié dans la liste. Ce sera You've Got a Nice Way sur l'album Stop and Smell the Roses de 1981. Pour le reste, je vous invite à aller sur le groupe La Saga des Fab Four pour discuter avec moi et avec d'autres. Et je vous invite à écouter cette émission jusqu'à 22h. L'émission commence maintenant. C'est la numéro 396. Et le premier titre, il se sentait bien à 40 ans. Il avait l'impression de tout recommencer. Il avait fait une pause de 5 ans et il redémarrait en 1980. Malheureusement, il a été stoppé. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars. Still in the early days. Well, darling, it's been 1970, le premier album solo de John s'était ouvert sur le son d'une cloche. Maintenant, en un parallèle délibéré, il ouvrait ce qui allait être le dernier album de sa vie par une autre cloche. Il ne s'agissait pas cette fois d'un glas annonciateur de catastrophe, mais du tintement bienveillant des traditionnelles clochettes de vœux japonaises, et la chanson qu'elle introduisait, Just Like Starting Over, était un message de renouveau. Si le douloureux album de 1970 proclamait sa délivrance de son passé, cette nouvelle chanson était une façon d'affronter l'avenir, le cœur rempli d'espoir. À partir d'une démo réalisée en 79 au Dakota, sous le titre provisoire de My Life, John développa ce morceau en 1980 durant ses vacances aux Bermudes, pendant que Sean jouait sur la plage et que Yoko s'occupait de leurs affaires à New York. Le thème est celui d'un couple ancien dont l'amour est fort, mais qui a besoin de temps pour recapturer l'esprit des débuts de leur passion. John envisagea un temps de laisser tomber le vers « It's time to spread our wings », il est temps de voler de nos propres ailes, parce que certains auraient pu y voir une allusion au groupe de Paul McCartney, les Wings. En fait, la carrière dont il est fait mention dans « Just Like Starting Over » est celle de John. L'écho spacieux et le martèlement de la batterie étaient un rappel subliminal des vieux succès de John, « Instant Karma » par exemple. D'ailleurs, tant qu'à repartir à zéro, pourquoi ne pas remonter plus loin vers la musique qu'il aimait avant même les Beatles? Se surnommant Elvis Orbison, il parsema donc l'enregistrement de touches classiques amoureusement empruntées à Only the Lonely de Roy Orbison et de I Want You, I Need You, I Love You d'Elvis Presley. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Une belle chanson et oui, donc... cette chanson et cet album et cette carrière qu'elle allait relancer s'est arrêtée brutalement le 8 décembre 1980 à cause d'un débile qui est encore en prison, et c'est tant mieux comme ça. Excusez-moi d'être méchant, mais il y a des moments, il le faut. On revient à quelque chose de plus agréable, quelques mois, je crois, quelques temps en tout cas, on va dire, avant qu'il se fasse descendre, John Lennon. Il avait écouté le premier extrait de l'album de Paul McCartney, l'album Coming Up, et il avait dit, c'est du bon boulot. Et voici la chanson Coming Up sur RIG, Paul McCartney. chapel down in Louisiana. You're a two-time in-japer, but divine me so. I'd like to ruffle the spoon. Vous savez l'histoire quand on dit qu'on dormira moins bête? Eh bien, en faisant une petite recherche pour savoir de quand datait cette chanson, je n'ai pas trouvé de quand elle datait, mais je sais que c'est une reprise de la part de George Harrison. J'ai trouvé que l'oriole de Baltimore, c'est une espèce de passereau, donc un oiseau. Je l'ignorais. Et ben maintenant, voilà, je le sais. Donc très très belle chanson sur l'album Somewhere in England de 1981. On reste dans la même année. 1981, avec moi je date de là, le moment où Ringo Starr remet le pied à l'étrier et recommence à être bon, à faire de la bonne musique. Voici You've Got a Nice Way sur l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr. RIG 90.7, même avec la voix enrouée, c'est la radio des Beatles. Smile.

set you free. Go with him. John Lennon, ce soir, si je ne me suis pas trompé, toutes les chansons des Beatles auront comme interprète principal John Lennon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas Paul McCartney et Ringo, enfin, et George Harrison dans les chœurs, mais le chanteur principal, ce sera John Lennon. On retrouve John Lennon en 1980 sur l'album Double Fantasy. Il était resté 5 ans. Ça nous a paru très très long à l'époque. Maintenant, quand on prend par exemple comment il s'appelle, Francis Cabrel, qui fait un an un album, qui fait une année de tournée et après qui reste je ne sais pas combien de temps sans rien faire. Oui, bon, mais on était habitué avec le rythme des Beatles, deux albums par an, des 45 tours en pagaille également, des tournées, des films, des ceci, des cela. Bref, 5 ans sans rien faire, ça c'est la légende, parce qu'en fait il a par exemple il a fait des chansons, la preuve puisqu'il y en a une, Free as a Bird, qui est atterri en 95, c'était une maquette qu'il avait faite entre les années 75 et 80, et il a fait aussi la chanson Fame, qu'il a donnée à David Bowie, qu'il a chanté avec d'ailleurs, il a chanté avec lui, et d'autres chansons comme ça, donc il n'est pas resté totalement inactif, mais bon, il se contentait de s'occuper de son fils, parce qu'il avait trouvé que pour Julian, il n'avait pas été présent, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc pour Sean, il avait envie d'essayer d'être un bon père et d'un père présent, voilà. Et il l'a fait pendant 5 ans, et après le démon de disque, l'envie de recréer est revenu, et c'était très très très très bien. Voici donc une chanson pour Sean Lennon, Beautiful Boy, Darling Boy, sur RIG. The monster's gone, he's on the run, and you're happens to you while you're busy making other plans? Pour les paroles, à un moment donné, il dit « Life is what happens to you while you're busy making other plans ». C'est-à-dire, la vie, c'est ce qu'il t'arrive quand tu vois, t'es occupé à avoir d'autres plans. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est tout le hasard, quoi. C'est ça. Et il a raison. Et puis, il dit aussi que tout va bien et qu'il ne faut pas qu'il ait peur, Sean. Évidemment, il ne pouvait rien prévoir puisque c'est comme ça. On ne va pas en revenir sans arrêt là-dessus. Je vous propose de franchir les années, de passer de 1980 à 2018. Et monsieur Paul McCartney, voici l'un des inédits, enfin pas des inédits, des bonus de l'album. Et voici Get Started sur RG. Extrait de l'album Egypt Station. So let's get started. I'm ready to be heard before the dear departed. Can have the final word. In a perfect situation, I'd have told you long ago. Well, now I think it's time you ought to know. So let me tell you right here and now. We'll

I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Je suis un perdant. C'était presque le thème de John Lennon. Il n'avait pas confiance en lui, ce brave gars. Je vous propose de revenir sur une des plus belles chansons de George Harrison en 1979 sur l'album qui n'a aucun titre. Il s'appelle seulement George Harrison. Il avait rencontré Olivia, il était amoureux d'elle. Et pour elle, il a composé cette chanson, Dark Sweet Lady, sur RIG. Si je vous dis que en 1980, John Lennon avait accordé une interview au magazine Playboy dans laquelle il parlait des chansons des Beatles, il disait qu'il avait composé et ce qu'il en pensait. Et moi, j'ai acheté non pas le Playboy, non, j'étais en fac, c'était entre 84 et 86, j'ai acheté le bouquin qui prenait juste l'interview. Je l'ai quelque part dans mes affaires. Et ça m'a servi pendant très très longtemps pour parler des Beatles. Et il avait dit notamment pour la chanson qu'on va entendre dans quelques instants, Watching the Wheels sur l'album Double Fantasy, c'est une sorte de remake de I'm Only Sleeping, puisque dans I'm Only Sleeping il dit je fais rien, je fous absolument rien, je fais que dormir, et dans Watching the Wheels il dit je regarde les roues tourner, c'est tout ce que je fais. Et on sait très bien que c'était faux. Du temps des Beatles, ils passaient leur temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire deux albums par an, à faire des tournées, à faire des films, etc. Ils faisaient au moins 48 heures dans une journée, à peu près, minimum, et après ben, il était encore assez prolixe hein, quand même. Monsieur John Lennon, il aimait bien faire de la musique. Donc, c'est faux, mais c'est une image qui se donnait et ça donne une belle chanson, Watching the Wheels sur RIG. C'est maintenant. RIG, c'est 90.7, c'est la radio des Beatles et vous écoutez la saga des Fab Four. People say I'm crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels. peace in the neighborhood. La programmation, vu, on va dire gentiment, le bordel ambiant, j'ai pensé que Peace in the Neighborhood, c'était une chanson qui s'imposait. Voilà. Fin 1999, on apprend que George Harrison est poignardé dans sa maison en Angleterre et il va s'en remettre. Malheureusement, il va mourir en 2001. Et pourtant, en l'an 2000, on apprend qu'il va sortir une chanson, que la chanson s'appelle Horse to the Water, et on imaginera que ce sera une chanson extraite, J'ai un chat dans la gorge, je sais pas comment ça se fait qu'il y est rentré. Donc Rose to the Water qui aurait pu faire partie de l'album Brainwashed par exemple. Ça n'est pas le cas, il est sur l'album Jules Holland Big Band Rhythm and Blues. Et je vous propose de l'entendre, c'est l'une des dernières chansons chantées par George Harrison. RG 90.7, la radio des Beatles. qu'elle est dans les chœurs, Sam Brown, sur cette chanson-là. Faudrait vérifier. Retrouvons les Beatles. I Should Have Known Better. Extrait de Hard Day's Night. 64. Quelle belle année. Help me. nous sommes en 1965 et c'est la chanson qui a donné son titre au film, ou l'inverse, Help en tout cas. Help avec un accent circonflexe, un point d'exclamation, parce que le titre Help existait déjà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette, au moins sur ce titre. Lorsqu'il se lança dans sa carrière solo au début des années 70, John déclara en de nombreuses occasions que Help était l'une de ses chansons favorites de toute la période Beatles. Elle lui plaisait, disait-il, parce qu'elle était réelle. Son seul regret était qu'ils aient changé ce qui était au départ un morceau lent, très Dylanesque, en une chanson plus prime-sautière pour des raisons commerciales. C'est vrai que en 90, je crois, à Liverpool, lorsqu'il a fait un medley des chansons de John, Paul McCartney a chanté la version Help dans sa version lente. Je vous l'ai déjà proposé dans la saga des Fab Four. Elle est bien aussi, mais la version plus rapide, est, oui, elle est peut-être plus commerciale, mais elle est bien. Et c'est, je crois, Philippe Manœuvre qui en avait fait la remarque. Une petite nouveauté de donnée par les Beatles, c'était la première fois que les chœurs, habituellement les chœurs reprenaient ce que disait le chanteur principal. Là, les chœurs précèdent. Ils disent « Now » et John Lennon fait « Now my life has changed », etc. Et now I find, vous voyez, truc comme ça. Voilà. Donc les chœurs précèdent le chanteur et ça, c'était nouveau. Ça faisait partie des choses que les Beatles aimaient bien faire des, aller dans tous les sens, essayer d'innover à chaque fois, à chaque album, et c'était très très bien. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Double Fantasy, que j'aime appeler Single Fantasy ou Simple Fantasy, si vous voulez, puisque je ne passe jamais autre chose que les chansons de Lennon, de John Lennon, puisque lui mérite, en tout cas. Voici la chanson qui disait en 1980, allez. On nettoie tout et on recommence, tout va bien. Clean up time sur RIG. Bubble, bubble. Bubble, bubble. Place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle spoken, we cast the perfect spell. Queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship. A perfect harmony. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Hey, clean up time. Center of the circle will always be our home. We'll be right back. l'heure, j'ai parlé de la version lente de Help. Sophia sur Facebook marque « J'adore ce medley Strawberry Fields Forever, Help et Give Peace a Chance ». C'était un super hommage. Et Diane, qui est la spécialiste bordelaise, en tout cas de talents de Liverpool, si vous voulez savoir des choses sur Liverpool, vous allez la voir. Elle tient une crêperie qui est à Talence et qui est sur le thème des Beatles. C'est un accueil fabuleux. Très très bien, on y mange bien et surtout il y a des Beatles partout et le mercredi soir ils écoutent la saga des Fab Four. Bonjour tout le monde et bon appétit. Voici la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George qui est reprise par quelqu'un d'autre. Et bien en 2018, il vient de sortir l'album. L'album s'appelle Origin et le titre du morceau que je vous propose depuis déjà, je crois, 2 semaines, je l'ai repoussé à chaque fois, c'est Louis Bertignac qui chante Et ma guitare. C'est la reprise en français. Je crois que les paroles collent à peu près de évidemment, While My Guitar Gently Whips sur RG. C'est nouveau et c'est sur RG 90.7, la radio des Beatles. Je vois des visages et des yeux pleins de larmes. Joue le blues. Je vois notre terre qui tourne à l'envers. Et ma guitare joue le blues. Elle ne soigne pas, elle ne guérit. Elle m'entraîne loin. Elle ne parle pas et elle se moque bien de notre anglais du monde. Je vois des enfants qui regardent. Et ma guitare joue le blues. Des géants sans une simple étincelle. Et ma guitare. are places I remember. Nous sommes en 1965 avec l'album Rubber Soul. Belle année, hein, 1965. John Lennon qui a composé cette chanson In My Life, évidemment, il se rappelle de ses souvenirs d'enfance, souvenirs qui se basent surtout sur l'enfance et l'adolescence disparue, transformant ce qui aurait pu être une description de l'évolution de Liverpool en une chanson universelle sur la mort et les effets du temps. On découvrait que ce dur qui, à une époque, riait des paralytiques, affichait un profond mépris pour les classes moyennes dont il était issu, était cependant un sentimental. Toute sa vie, il avait gardé une boîte remplie de souvenirs de sa jeunesse dans son appartement et alla jusqu'à écrire à sa tante Mimi pour lui demander la cravate de son uniforme de quarryman, son école secondaire. John confia un jour à Pete Shotton que les vers concernant ses amis, dont certains sont morts et d'autres vivants, avaient été écrits pour Shotton et l'ancien bassiste Stu Stutcliffe, mort d'une tumeur au cerveau en avril 1962. L'origine de la mélodie reste controversée. John a déclaré que Paul l'avait aidé pour une partie sur laquelle il était bloqué. Paul, lui, reste certain de l'avoir entièrement composé. Je me souviens que le texte était écrit sous la forme d'un long poème. Je me suis mis à réfléchir, j'ai commencé à travailler sur le mélotron, raconte-t-il. La musique, si mes souvenirs sont exacts, avait été inspirée par les Miracles. Le solo de piano est joué par George Martin qui enregistra sa partie, puis repassa la boucle à double vitesse pour créer un effet baroque. Lorsque John écouta la version définitive de In My Life, il dit qu'il s'agissait là de sa première grande chanson. Alors, en 1965, il dit que là, c'est une grande chanson, et plus tard, il dit que Help était une très très bonne chanson. En fait, lui qui n'arrête pas de dire que c'était souvent bon à mettre à la poubelle, il en a aimé quelques-unes des chansons qu'il a écrites. C'est bien, tant mieux. Nous sommes en 1977. L'album est mauvais. Il s'appelle Ringo the Fourth. Pourtant, il y a quelques petites perles comme celle-ci. It's No Secret, Ringo Starr sur RG. Lately, I've been so crazy. I wanna talk to you. I need to talk to you. And lately, you ain't my baby. I wanna word with you. I want a word with you. A moment alone. You décidément, quand je programme, j'ai de la suite dans les idées. Tout à l'heure, je vous ai passé Watching the Wheels en vous disant que c'était une sorte de remake, c'est John qui le dit, de la chanson I'm Only Sleeping. Eh bien, la voici, la chanson I'm Only Sleeping. Pour c'est pratiquement le même thème. En 1980, John Lennon compose une chanson universelle pour les femmes qu'on aime, pour la femme qu'on aime, pour être plus précis. La chanson s'appelle Woman. Évidemment, elle parle à Yoko Ono, mais il ne prononce pas son prénom, donc ça nous permet de l'universaliser à tout le monde. Donc je dédie cette chanson à Alexandra, si elle écoute un jour, si elle peut. Enfin, elle sait ce qu'elle doit faire. Pour l'autre moitié du ciel. Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Success.

mama. Oh, yeah. Yeah. Yeah. On your way. Thank you. Ringo Starr, à la fin de cette chanson-là, il s'énerve un petit peu. Mais c'est une très très belle chanson, très Beatles, je trouve, en 1997, sur l'album Flamin' Pie. On reste avec Ringo, tiens, puisqu'on le tient. En 2003, sur l'album Ringo-Rama, il se rappelle, il se souvient de son pote George Harrison, et lui écrit une chanson, Never Without You, sur RIG. Attention, après deux chefs-d'œuvre Beatles. Tenez bon, juste après ça. RIG 90.7, la radio des Beatles. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song will play on without you. And this world won't forget about you. The sun is about you. Here today, not alone, with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. You played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side. And your songs will play on without you. And this world won't forget about you. Without you, within you, without you. je vous propose deux chefs-d'œuvre à la suite. I Am The Walrus et A Day In The Life sur RIG. Made the grave. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read parce qu'il reste 25 secondes. Je sais que c'est un monument, cette chanson, mais il faut passer le reste des titres. Donc voici le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Double Fantasy, et le titre du morceau, I'm Losing You, sur RIG. Thank you. cette saga avec beaucoup d'amour. Dans quelques instants, vous allez retrouver un amoureux de Johnny Hallyday et qui le fait avec passion depuis des années. Ce sera Eric pour Johnny de A à Z dans quelques minutes. Dans cette émission. Je vous remercie d'être venu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la dernière fois de l'année, puisque le 26 décembre, nous ne serons pas là. Ah ouais, bon, je me prends les vacances. Voilà. Et on se reverra en début d'année prochaine pour de nouvelles aventures. Donc la semaine prochaine, ce sera Wildlife, je crois, à moins que ce ne soit l'autre, Red Rose Speedway, on verra. très bonne soirée en compagnie d'Eric pour son superbe Johnny de A à Z. Salut les filles, pas une main aux garçons, à bientôt, ciao.